saka na mokili oyo confiance ezalite nakokanga motema mpota boti na yo bana mami tu m'as dessus chouchou je suis resté ignoble.